السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal la lecture et l'explication de l'épître du grand savant de l'islam, Cheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: وَإِذَا اعْتَبَرَ الْعَبْدُ الدِّينَ كُلَّهُ رَآهُ يَرْجِعُ بِجُمْلَتِهِ إِلَى الصَّبْرِ وَالشُّكْرِ وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. Après avoir vu la semaine passée certains points liés à la patience, comme sa définition, son statut et autres, nous avons fini avec la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit: la foi revient à deux choses, la patience et la reconnaissance. Nous avons dit que les savants avaient expliqué cela en disant que faire les obligations revenait à la reconnaissance, et s'éloigner et délaisser les interdits revenait à la patience. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit dans ce paragraphe: et lorsque le serviteur médite sur la foi ou sur la religion, il verra que la religion revient en général à la patience et la reconnaissance. Ceci car la patience se divise en trois catégories. La première qui est la patience sur les obligations. La patience sur les obligations. Car le serviteur ne peut accomplir ce qui lui a été ordonné qu'après avoir patienté et avoir fait preuve d'endurance et en combattant son ennemi extérieur et intérieur. Dès lors, l'accomplissement des obligations et des actes recommandés sera en fonction de son degré de patience. Fin de citation. Dans l'accomplissement des obligations telles que la prière, la zakat, le jeûne et toute autre adoration, le serviteur a besoin de patience, d'endurance. Il a également besoin pour cela de combattre son ennemi extérieur qui est le shaytan, et son ennemi intérieur qui est son âme incitatrice au mal, cette âme qui appelle le serviteur à la paresse en général. Il est donc impératif pour ce serviteur de combattre ces deux ennemis. Quelles sont les causes qui aident le serviteur à accomplir les bonnes actions ou à patienter dans les obligations? Les savants ont mentionné pour cela 10 causes. Premièrement, c'est le fait de savoir que la récompense des gens patients n'a pas de limite. Allah Azza wa Jal a dit: إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Surat al-Zumar, verset 10. Deuxièmement, que le serviteur regarde les mérites des actions qu'il va accomplir, comme les mérites de la prière, de l'évocation d'Allah, de la lecture du Coran, de la bienfaisance envers les parents, de la recherche de la science et autres. Troisièmement, qu'il invoque Allah Azza wa Jal de le raffermir sur les adorations, car sans cela le serviteur ne peut être constant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'invocation: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, dans le sens: ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Quatrièmement, que le serviteur demande abondamment la demande de pardon lorsqu'il ressent de la faiblesse. Cinquièmement, de ne pas trop s'élargir dans les choses permises, car ceci éloigne le serviteur des obéissances. Parmi ces choses, il y a le fait de parler beaucoup dans les choses qui n'ont pas d'intérêt, où il n'y a pas de bénéfice, le fait de beaucoup rire, le fait de beaucoup dormir, le fait de trop se mélanger aux gens, le fait de beaucoup manger. Toutes ces choses, lorsque la limite est dépassée, durcissent le cœur, comme nous l'avons vu précédemment dans l'épître de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, le blâme de la dureté des cœurs. Sixièmement, Avoir une bonne compagnie. Le fait d'avoir une bonne compagnie aide à patienter sur les obligations. Et ceci fait partie des plus grandes causes qui aident à l'accomplissement des bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu est sur la même religion que son ami, regardez donc qui vous prenez comme ami. Septièmement, le fait de beaucoup méditer sur le Coran. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dans le sens du verset, ne méditent-ils pas le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? La méditation du Coran est une cause qui aide la personne à patienter sur les obligations. De même, le Coran a été révélé pour trois choses, pour sa lecture et son apprentissage, sa méditation et sa mise en pratique. Huitièmement, que le serviteur secoue la religion d'Allah, c'est-à-dire qu'il secoue la religion d'Allah dans sa propre personne, en se soumettant à lui, en s'éloignant de ses interdits, en devançant les ordres d'Allah à tout autre ordre, en secourant la religion d'Allah dans la société, dans sa famille et autres. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum » Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Neuvièmement, qu'il médite sur le bienfait qu'Allah lui a accordé en lui permettant d'accomplir ses différentes adorations, alors que beaucoup d'autres personnes ont été privées de ces adorations. Dixièmement, et pour finir, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal aime les gens qui l'adorent et qui le craignent. Allah Azza wa Jal dit, Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah aime les gens pieux. Wallahu yuhibbul sabirin. Allah aime les patients. Et le fait d'être patient et d'être constant sur les adorations est un chemin qui mène vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit, النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, nous dit la deuxième catégorie, qui est la patience face aux interdits, de sorte à ne pas les accomplir. Car certes, l'âme et ses tentations, l'embellissement de Shaytan, les mauvaises compagnies, incitent et ordonnent l'âme à commettre les péchés et l'encouragent à cela. Le délaissement des péchés pour le serviteur sera donc en fonction de son degré de patience. Certains pieux prédécesseurs ont dit « Les actes de bien sont accomplis par le pieux et le pervers. Quant au délaissement des péchés, seul le véridique arrive à les délaisser. » L'auteur du livre a mentionné dans ce paragraphe la deuxième catégorie de patience, qui est la patience face aux interdits. Également la patience, ou également le serviteur, pour pouvoir délaisser les interdits, a besoin de patience et d'endurance. Comme le serviteur a besoin de patience pour pouvoir accomplir les obligations. Ensuite, il est à savoir que l'âme a des ennemis qui l'incitent à commettre le mal. Parmi ces ennemis, il y a l'âme incitatrice au mal. Allahu Azza wa Jal dit à cet effet, Inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. L'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Sourate Yusuf, verset 53. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait régulièrement « Wa na'ouzu billahi min shururi anfusina » et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes. Deuxième ennemi, le shaytan, qui est un ennemi déclaré, qui enjolive les actions aux serviteurs, qui l'incite au mal, comme le polythéisme, l'innovation et les péchés. Il est donc obligatoire de s'éloigner des pas du shaytan et de le prendre comme ennemi. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « La tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin » Dans le sens, ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Surat al-Baqarah, verset 208. Troisième ennemi, la mauvaise compagnie, qui pousse la personne, le serviteur, à commettre du mal, le mal. Cette mauvaise compagnie peut être un ami, un voisin, un mari pour la femme ou une femme pour le mari. Toutes ces personnes ou ces catégories, si elles sont mauvaises, entrent dans la mauvaise compagnie. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans la vocation, mentionnée dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, rapporté par At-Tabarani, authentifié par le Cheikh Al-Albani, il disait, Allahumma inni a'udhu bika min jari su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaba. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un mauvais voisin, contre une épouse ou un époux qui me ferait vieillir avant la vieillesse, contre un enfant, qui sera pour moi un maître, et contre l'argent qui sera pour moi un châtiment. Également, le délaissement des péchés du serviteur sera en fonction de son degré de patience. S'il a une patience forte, alors son délaissement du péché sera fort. Mais s'il est faible dans sa patience, alors son délaissement du péché sera faible. Quelles sont les causes qui vont aider le serviteur à délaisser les péchés ou à patienter face aux interdits? Elles sont au nombre de 10 en général. Premièrement, que le serviteur connaisse la laideur et la gravité de ce péché, de savoir également qu'Allah a interdit ce péché pour le préserver. Deuxièmement, qu'il ait de la pudeur envers Allah Azza wa Jal de commettre ce péché alors qu'Allah le voit et l'entend. Troisièmement, que le serviteur sache que les péchés font disparaître les bienfaits qu'Allah lui a octroyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Thawban radiallahu anhu, « Inna al-abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu. » Certes, le serviteur est certes privé d'une subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Quatrièmement, la crainte d'Allah. Le fait de délaisser le péché par crainte d'Allah et de son châtiment, en ayant à l'esprit qu'Allah le ressuscitera et l'interrogera sur ce qu'il a commis, ceci va aider le serviteur à délaisser les péchés. Cinquièmement, l'amour d'Allah. Car dès lors que l'amour d'Allah est ancré dans le cœur, alors ceci sera parmi les plus grandes causes qui vont aider le serviteur à délaisser le péché. Sixièmement, le fait de purifier son âme et de prendre de la hauteur face au péché qui rabaisse et avilit le serviteur. Septièmement, de connaître et de méditer sur la finalité du péché, car derrière le péché, il y a le châtiment, le souci, l'angoisse, l'étroitesse du cœur après avoir accompli le péché. Huitièmement, que le serviteur sache qu'il peut quitter ce bas monde à tout moment, et si la mort vient au serviteur alors qu'il se trouve dans le péché, alors ceci est une perte, car le serviteur sera ressuscité sur ce sur quoi elle est décédée. Neuvièmement, le fait de s'éloigner ou de ne pas trop s'élargir dans les choses permises, comme nous l'avons vu précédemment. Et pour finir, dixièmement, le raffermissement de la foi dans le cœur du serviteur. Et ceci est une des plus grandes causes qui aide le serviteur à délaisser les péchés. Ensuite, quant au sens de la parole de l'auteur, les bonnes actions sont accomplies par le pieux et le pervers. Quant au délaissement des péchés, seuls les véridiques arrivent à les délaisser. Certains savants ont dit, car les bonnes actions, il se peut que le mécréant, le pervers, les accomplisse, mais sans pour autant espérer la récompense d'Allah. Alors qu'en général, celui qui délaisse les péchés, le fait par crainte d'Allah, délaisse les péchés par crainte d'Allah et en espérant sa récompense. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit, النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب وهي نوعان نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجيرا قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجد أحدنا في الشاهد، كما قال بعض الشعراء: يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit la troisième catégorie, qui est la patience sur ce qui est la patience sur le fait de patienter sur les décrets d'Allah Azza wa Jal. La patience sur ce qui touche le serviteur indépendamment de sa volonté, parmi les calamités, les malheurs. Et cette catégorie est se divise en deux. C'est-à-dire la patience face au décret d'Allah se divise en deux. Une catégorie dans laquelle les serviteurs n'ont pas de volonté, comme la maladie et autres. Dans cette catégorie, il est facile de patienter, car le serviteur ne peut que témoigner du décret d'Allah sur lui. Il patiente donc de gré ou de force. Cependant, si Allah ouvre son cœur à la méditation et à la réflexion sur les bienfaits de cette épreuve, le serviteur basculera alors de la patience à la reconnaissance et à l'agrément de cette épreuve. Celle-ci deviendra alors pour lui un bienfait. À ce moment, il ne cessera d'avoir comme habitude dans son cœur et sur sa langue de dire « Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer comme il se doit. » Et celle-ci se fortifie ou s'affaiblit en fonction de l'amour que le serviteur a envers Allah. Certains poètes ont dit, en s'adressant, ou le poète a dit en s'adressant à sa bien-aimée qui lui aurait causé du tort, « Certes, si cela m'affaiblit, ou si cela, pardon, m'offense que tu m'aies causé du tort, alors le simple fait que j'ai pu traverser ton esprit me réjouit. » Par la suite, l'auteur du livre a mentionné la troisième catégorie de la patience, qui est la patience face aux décrets d'Allah, face aux calamités et autres. Ces décrets se divisent en deux. Une catégorie dans laquelle le serviteur n'a aucune volonté, comme la maladie, la mort d'un proche. Dans cette catégorie, le serviteur patiente de gré ou de force. Il est à savoir également que les causes des malheurs ou des épreuves sont au nombre de deux. Premièrement, la cause des malheurs sont les péchés. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Dans le sens, et tout malheur qui t'atteint vient de toi-même. Sourate An-Nisa, verset 79. Il dit également: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir." Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Sourate Ash-Shura, verset 30. La deuxième cause qui est qu'Allah Azza wa Jal peut vouloir par l'épreuve élever son serviteur en degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala: "Innal 'abda idha sabaqat lahu min Allah manzilah lam yablughha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu 'ala dhalika hatta yuballighahu al-manzilah allati sabaqat min Allah ta'ala." Dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, lorsque le serviteur a un degré ou un rang auprès d'Allah qu'il n'a pas atteint par ses actes, Allah l'éprouve alors dans son corps, dans ses biens, dans ses enfants. Ensuite, Allah le fait patienter sur cette épreuve jusqu'à le faire atteindre ce degré ou ce rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu: "Inna 'idham al-jaza ma'a 'idham al-bala." Dans le sens, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Le serviteur doit savoir également que derrière toute épreuve, il y a une sagesse d'Allah Azza wa Jal, et que cette épreuve pour lui est un bienfait. Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disait: n'est pas doué de raison celui qui ne voit pas l'épreuve comme un bienfait et celui qui ne voit pas l'aisance comme un malheur. Exemple, si la personne est éprouvée par la perte d'un proche, Est-ce que le fait qu'il se mette en colère et s'oppose au décret d'Allah fera revenir ce proche? Il est évident que non. Il sera donc forcé de patienter, car s'il se met en colère et s'oppose, alors il aura en plus de cette épreuve le péché, car il s'est opposé au décret d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il patiente, il aura la récompense de la patience et cette épreuve deviendra pour lui un bienfait. Lorsque le serviteur médite sur les bienfaits qu'il y a dans cette épreuve, il basculera automatiquement alors de la patience à la reconnaissance et à l'agrément de cette épreuve. Et ceci est le degré des gens à la foi forte. Quelles sont les causes qui aident ou qui vont aider le serviteur à patienter dans l'épreuve? Elles sont au nombre de 10 en général. Premièrement, que le serviteur médite sur la récompense de celui qui patiente, face à l'épreuve. Deuxièmement, qu'il médite sur l'expiation des péchés qu'il y a dans la patience face à l'épreuve. Troisièmement, qu'il sache que cette épreuve est une chose décrétée par Allah. Quatrièmement, qu'il médite sur le droit d'Allah dans cette épreuve, qui est la patience. Cinquièmement, qu'il médite sur la cause de cette épreuve, qui est due en général à ses manquements et à ses péchés. Sixièmement, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal lui a choisi cette épreuve, qu'il soit donc satisfait de ce qu'Allah a choisi pour lui. Septièmement, qu'il sache que cette épreuve peut être un remède pour lui, car effectivement il se peut que le serviteur soit détourné de la religion d'Allah, soit loin d'Allah Azza wa Jal. Et si Allah l'éprouve, cela sera alors une cause de son repentir et de son retour vers Allah Azza wa Jal. Huitièmement, qu'il médite sur la finalité de l'épreuve, qui est le bien, les bonnes actions et autres. Neuvièmement, qu'il sache que cette épreuve n'est pas venue pour l'anéantir ou le détruire, mais pour tester, pour qu'Allah Azza wa Jal teste sa foi, sa patience, afin qu'Allah différencie entre le patient et celui qui s'oppose. Et pour finir, dixièmement, les gens de science ont dit, afin qu'Allah tire de ses serviteurs leur servitude à Allah dans la difficulté. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a rapporté la parole du poète qui s'adresse à sa bien-aimée en disant, certes, si cela m'offense que tu m'aies causé du tort, alors le fait que j'ai pu traverser ton esprit me réjouit. C'est-à-dire que le simple fait que sa bien-aimée se rappelle de lui, même en mal, lui est suffisant et le réjouit. Cela pour dire que le serviteur, même dans la difficulté, revient et prend refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur du livre a dit, النوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. L'auteur du livre رحمه الله تعالى nous dit la deuxième catégorie, ce que le serviteur subit comme nuisance de la part des gens, dans ses biens, dans son honneur ou autre. La patience sur celle-ci est très difficile, car l'âme en général voit la personne qui lui cause du tort. Également, l'âme déteste se faire dominer injustement. Cette âme cherchera donc à se venger. Nul ne peut patienter sur cette catégorie si ce n'est les prophètes et les véridiques. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne ici la deuxième catégorie de la patience face aux décrets et aux épreuves. La première que nous avons vue est la patience face aux épreuves dans lesquelles le serviteur n'a aucune volonté et aucun pouvoir. La deuxième catégorie est la patience face aux épreuves qui proviennent aux épreuves aux préjudices qui proviennent des gens, c'est-à-dire les nuisances. Il nous dit cette catégorie, il est très difficile de patienter et il a mentionné pour cela deux causes. La première cause, c'est que l'âme, en général, voit la personne qui lui cause du tort. Deuxièmement, c'est que l'âme déteste se faire dominer. Effectivement, l'homme n'accepte pas de subir quelconque injustice. Il cherchera donc automatiquement à se venger. Il lui est donc difficile de patienter, sauf pour les prophètes et les véridiques. Ensuite, l'auteur du livre a dit, وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit « Lorsque le prophète subissait des préjudices, il disait « Qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Il a certes subi des préjudices plus graves que cela et il a patienté. » Il informa également ses compagnons qu'un prophète parmi les prophètes fut frappé par son peuple. Il dit alors « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Il fut rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il subit la même chose avec son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit la même chose « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Il a été réuni dans cela, dans cette invocation, le fait de trois choses. Le fait de passer sur la faute, la demande de pardon et le fait de donner des excuses dû au fait qu'il les gens ne savent pas. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit فهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, nous dit « Cette catégorie de patience, sa finalité est le secours d'Allah, la guider, la joie, la quiétude, la force, l'accroissement de l'amour d'Allah et des gens envers lui, l'augmentation de la science. » C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit « Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. » Surat al-Sajda, verset 24. Ensuite, il dit « Par la patience et la certitude, on atteint le statut de guide dans la religion. » L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, nous explique à travers ce paragraphe qu'il y a derrière la patience sur le mal des gens le secours d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet « Wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr » et sache que le secours vient avec la patience. Il y a également derrière cette patience la guidée, la joie, la quiétude du cœur et autres. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, nous dit que l'imama, le fait d'être un guide dans la religion pour les gens, s'atteint avec deux caractéristiques, qui sont la patience et la certitude. Le fait de vouloir être un guide dans la religion n'est pas blâmable en soi, si la personne veut à travers cela être une cause de sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et être profitable pour les gens. Allahu Azza wa Jalla nous dit à cet effet وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا et fait de nous un guide pour les pieux. Surat al-Furqan, verset 74. Mujahid, rahimahullahu ta'ala, qui est l'élève de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit en commentaire de ce verset, en expliquant le terme guide, il dit, c'est-à-dire un suiveur. Guide, qui veut dire ici un suiveur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a expliqué la parole de Mujahid, rahimahullah ta'ala, en disant « un suiveur, car la personne ne peut être un guide et un imam pour les gens qu'après avoir été un bon suiveur des imams qui l'ont précédé, et à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, radiyallahu anhum, dans leur croyance, leur comportement et dans les adorations. » L'auteur du livre a dit par la suite, فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. النجي رحمه الله تعالى: lorsque s'ajoute à cette patience une forte certitude et la foi forte, le serviteur s'élèvera alors dans les degrés du bonheur et de la félicité par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Sourate Al-Jumu'ah, verset 4. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit: repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Sourate Fussilat, verset 34. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, nous dit à la suite: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. L'auteur du livre nous dit, رحمه الله تعالى: plusieurs choses vont aider le serviteur à cette patience. Il nous dit, premièrement, que le serviteur sache qu'Allah est le créateur des actes des serviteurs, leurs mouvements ainsi que leurs volontés. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Pas un atome dans l'univers ne bouge sans sa permission et sa volonté. Les serviteurs ne sont que des instruments. Regarde alors vers celui qui leur a donné le pouvoir de te nuire et ne regarde pas le mal qu'ils te font. Tu te reposeras et seras libéré de la tristesse et de l'angoisse. Fin de citation. À partir d'ici, l'auteur va commencer à énumérer et à mentionner les principes et les causes qui vont aider le serviteur à patienter sur le mal des gens. Le premier principe qu'il a cité, il dit, c'est que le serviteur sache qu'Allah a décrété cette épreuve pour lui et que rien ne peut se passer dans l'univers sans la volonté d'Allah. À ce moment, le serviteur regardera vers les causes qui ont amené cette épreuve, comme les péchés ou autres. À travers cela, il s'occupera de ses défauts et ce qui va le réformer. Il implorera Allah pour qu'il lui enlève cette épreuve. Il sera alors constant dans la demande de pardon due à ses péchés et il se réfugiera vers son Créateur qui lui a décrété cette épreuve. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذاه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنبه ولا رفع إلا بتوبة. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, nous dit: deuxièmement, qu'ils connaissent ses péchés et sachent qu'Allah Azzawajal a donné aux gens le pouvoir de lui nuire à cause de ses péchés. Comme Allah Azzawajal a dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Surat al-Shura, verset 30. Ainsi, si le serviteur sait que toute chose détestable qu'il atteint est causée par ses propres péchés, il se préoccupera alors de la repentance et de la demande de pardon pour les péchés qui sont la cause de ce préjudice, au lieu de critiquer les gens, de les blâmer et de médire sur eux. Ainsi, si tu vois le serviteur médire sur les gens lorsque ces derniers lui causent du tort, au lieu de s'en prendre à lui, en blâmant sa propre personne et en demandant le pardon d'Allah, alors sache que son malheur est un malheur bien réel. Mais s'il se repent et demande pardon à Allah Azza wa Jal et se dit « Ceci est la conséquence de mes péchés », ce malheur deviendra alors pour lui un bienfait. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit « Le serviteur ne doit espérer qu'en Allah et il ne doit avoir peur que de ses péchés. » Il dit également, il est également rapporté de lui et d'autres qui ont dit « L'épreuve ne s'abat qu'en raison d'un péché et elle n'est dissipée qu'avec le repentir. » L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, mentionne dans ce paragraphe le deuxième principe, qui est l'explication du premier principe. Il dit, c'est que le serviteur sache que toute épreuve qui le touche, toutes les épreuves qui le touchent ne sont que le fruit de ses péchés, comme ceci a été cité dans le verset de Sourate Ash-Shura, verset 30. Et celui qui, au lieu de s'occuper de lui, s'occupe des gens en disant « un tel m'a fait ceci et un tel m'a fait cela », alors qu'il sache que son malheur est réel, car en réalité il ne voit pas que le manquement vient de sa propre personne, alors qu'il devrait revenir vers Allah, se repentir, demander le pardon et dire « ceci est la cause de mes péchés ». Et si le serviteur se repent et demande le pardon d'Allah, alors cette épreuve deviendra pour lui un bienfait, car cette épreuve l'amènera vers plusieurs adorations, comme le repentir, la demande de pardon et autres. Également, ceci sera une cause pour qu'il se demande des comptes. Ces adorations qu'il ne faisait peut-être pas avant cette épreuve. Le serviteur également doit blâmer son âme pour deux choses. Premièrement, pour les manquements qu'il a vis-à-vis du droit d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Dans le sens que l'âme dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah Azza wa Jal. Sourate Az-Zumar, verset 56. Deuxièmement, il doit blâmer son âme sur le fait de tomber dans les péchés. Ensuite, l'auteur du livre a cité la parole de Ali, radiallahu anhu, qui a dit « Le serviteur n'a d'espoir qu'en Allah et il ne doit avoir peur que de ses péchés. » Effectivement, le serviteur n'espère qu'en Allah, que cela soit dans ses affaires mondaines ou de l'au-delà, son espoir, il n'a d'espoir qu'en Allah, azza wa jal. De même, il ne doit craindre que ses péchés, car ses péchés entraînent sa perdition. Car ses péchés entraînent sa perdition et sa perte. Et l'épreuve ne descend qu'à cause des péchés, et elle n'est dissipée qu'avec le repentir. Et parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur, est qu'Allah Azza wa Jal facilite et assiste son serviteur à être constant dans le repentir et dans la demande de pardon. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui, nous continuerons la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.